écoute, c'est une émission, lors de le mettre, qui s'est fini sur les chapeaux de roue. Franchement, à une seconde près, là, ils étaient bons. Puis nous, on commence maintenant. C'est Pyongyang City Rockers numéro 311. Avec ce soir, pas de Val. Attends, il parle dans quel micro, lui? Le numéro 7. Bravo. Ouais. Un jour, on va les renuméroter, ça sera mieux. bref. 1-3-1-2. Ouais, ouais. C'est toujours ça. D'ailleurs, j'en parlais juste après. Mais donc Gaël est là. Et puis peut-être Célia va arriver. Par contre, nous avons ce soir deux invités. Comme ceux qui regardent notre FB ont pu le constater, de personnes qui ont plein de choses à dire et puis plein de musique à passer. Et on les reconnaît bien sur le flyer. Moi je marque les nains, franchement. Voilà. Donc le premier, les gens qui nous écoutent habituellement le connaissent, c'est Mika. Salut. Ah bah ça y est, il parle dans le micro, mais le micro est pas allumé. Voilà. Redis-le. Redis-le, celui-là c'est bon. Salut. Ah, voilà. Ça y est, il est là. Tu es là. Et alors, tu nous ramènes plein de nouveautés? Des nouveautés, plein. Absolument, je sais pas. Je ramène des choses. Ouais. Il a ramené la pluie en plus de ça, celui-là. À la crène. Et alors, la deuxième voix que vous entendez juste maintenant, au micro numéro 6, c'est Pierre. C'est moi. Coucou. Bonsoir. Et alors, tu fais quoi, toi? Parce qu'on t'a jamais entendu ici. Eh ouais, non, c'est la première fois. Je fais partie de Sick My Duck. C'est une asso d'organes de concert sur Paris. Et je m'occupe de Punk Fiction il y a quelques temps, un peu compliqué maintenant, mais voilà. Ah oui, tu nous expliqueras ça juste après. Et puis donc, Célia vient d'arriver, et puis dès que son micro est allumé, elle peut parler. Voilà. Salut, ça va? Il va mieux, Marie-Paul? Ça va. Bon, c'est bien. non, mais les gens qui nous écoutent, ils sauront tout. Camion et Stipotin. Ouais. Ah oui. Alors Pierre, tu connais pas encore, mais t'es mal tombé. Hein. Là, on va te faire cracher tous les potards dont tu as le secret, mais que tu voudrais pas dévoiler. Ouais. Tu les auras tous dit d'ici la fin de l'heure. Désolé, Tanguy. Tanguy, désolé. pour l'instant, encore un truc qui a pas forcément de rapport avec l'actualité, sauf celle qui parle des fois de flics qui font ce qu'ils veulent, surtout ce que nous on voudrait pas. C'est Dérives Urbaines, un groupe lillois de hip-hop. Ah ouais, t'as vu, hein, Mika, tu connais? De nom, ouais. Ouais, sorti sur Give Us A Chance. Ouais, mais là, c'est pas du Give Us A Chance, c'est leur album sorti en 2017. Et ils nous disent qu'ils ont de la joie dans le carnage. Dérives Urbaines. La lumière comme les pavés sortent de terre. L'ambiance est toujours tendue, des deux côtés sales des terres. Ça s'invective par des petits noms d'oiseaux et bande de gauchistes anarchistes. Et puis de l'autre c'est Gestapo. Les choses se tendent vite, mat zinzin, y'a tant de flics. Et puis top débarque sur les decks, des pavés dans le vide. De toute façon rien n'a pas de savoir ce que les gens disent. T'es pacifique, je rêve de gravats dans leurs gencives. Les hélicos survolent la ville et le pouvoir vacille. Sur les murs des tagophates, anticipe une victoire facile. Les rues sont prises d'assaut, pour les schmitts y'a plus de cadeaux. Plus personne n'a de pitié, il est parti loin ce fardeau. Ça dégâtait comme des keufs, et ouais gros c'est plus de la rage. Ça dégâtait ses seufs, car y'a de la joie dans ce carnage. Nous demande pas ce qu'on veut après. Je rêve de ce vieux monde en cendres et de voir payer tous ceux qui nous ont exploités. Toi tu ne veux pas de violence, ta révolte est pacifique. Tu crois qu'ils lâcheront le pouvoir sans minimum une pluie de briques. Les poulets pendus par les pieds aux portes. Et la police persiste à pratiquer le pied de nez aux pauvres. Les keufs se défoulent, s'éclairent, les refs ont des boules d'éther. Dans ton corps où ça flippe de l'émeute, la terre d'éder. À quoi ils s'attendaient, ces bâtards en haut de l'échelle. Toutes ces années de servitude provoquent toujours des séquelles. Notre mal-être qui s'exacerbe, je remis l'état et ses chiens. Ton argument, moi je l'emmerde, franchement y'en a des biens. Regarde un deck dans la visière, s'il t'en va, fais dans le détail. Demain sera pire qu'hier, si on continue comme du bétail. Ça ramasse, ça jette, et prend ses jambes à son cou. Vas-y, cours, cours, vite, car à cette heure, les gendarmes sont fous. Le PK moyen flip et le slogan c'est armons-nous, détruire ce qui nous détruit, c'est l'objectif avant tout. Sous les pavés, la révolte, pour l'instant c'est ce qui m'importe. J'suis pas devin, et je sais pas ce que veulent les autres, sûrement pas chauvin. Et je déteste que bug les vôtres, une société au bord du ravin. Pendant que je gratte des feuilles de mots, je m'en tape si la majorité ne suit pas. T'es mal des zéros de leur débat. Avec une population si conne et servile, tu m'étonnes, tous les cognes et les feufas. Bref, je m'en peux ta, la bref, en sanga et merde. Je déteste les chiens de l'État. Retour du coup de bâton à quand les flics qui courent à fond. Avec les stars c'est œil pour œil et me parle plus d'un où va-t-on. Du coup c'est chacun son camp, ils le savent, nous le savons. Les techs, les manifestants, ceux qui bossent c'est leur patron. Putain c'est pas demain la veille que changeront les choses ici. Trop se tournent les pouces pendant que les faux décident. Alors je rêve de cendre et j'en crève d'attendre. J'ai peur que plus rien ne change, de n'avoir plus rien à défendre. Sous chaque criminel peut se cacher un subversif. De même que sous chaque subversif peut se cacher un criminel. Dans la ville. Nous sommes chargés d'assurer la sécurité. Les subversifs et les criminels ont tendu des fils invisibles qu'il nous appartient à nous autres de trancher. Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre une bande de malfaiteurs qui attaquent un bureau de poste ou un encaisseur et la subversion organisée, concertée, institutionnalisée et légalisée? Aucune. Il n'y en a aucune. Ces deux genres d'actions n'ont qu'un seul et unique objectif, bien que les moyens employés soient différents. C'est le renversement de l'ordre social actuel. Une augmentation de 20% des grèves et des occupations d'édifices publics et privés. En un an, 30 attentats perpétrés contre les biens appartenant à l'État. 250 000 élèves de l'enseignement secondaire défilant dans la rue en hurlant. Une augmentation de 30% des attaques de banques. 18 000 contestataires et agitateurs de plus figurant dans les dossiers. Plus de 70 groupes subversifs de jeunes qui agissent clandestinement et qui violent les lois. Un nombre toujours croissant de publications et de revues politiques dont le seul but est d'inciter à la révolution. L'usage de la liberté, c'est un danger constant et une menace pour le pouvoir traditionnel. Ouais, ouais, l'usage de la liberté, il va falloir s'en passer maintenant, hein, les gars. Hein ? Ça fait un bout de temps déjà. Bah ouais. Mais bon, là, ça va encore. Hein, je sais pas, moi je suis VIP en France. Je suis parti. Fais gaffe, t'y es ici, ils vont venir te choper à la sortie. Parti. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez raconté, les gars? Rien. Rien, c'est bien. Alors, j'ai compté, là, j'ai regardé, on a une heure et une minute de musique. Donc, pendant que ça hurle dans le studio, dans le hall, pardon, on a eu 1h01, donc ce qu'on peut faire, c'est balancer la musique ininterrompue. Puis on dit au revoir à 21h. Ce sera pas mal, non? Allez, on fait ça. Ah ouais, ça me va. Bon, allez, salut. T'es chaud? T'as un truc à passer? T'es moyen chaud? Non. Bon, allez. Bon, allez, on va écouter. Allez, Pierre, mais qu'est-ce que tu fous dans le nord d'abord? T'as pas vu qu'il pleut là? Faut vite redescendre vers Paris. Ouais, ouais, il fait meilleur. Ouais. La pluie est plus chaude. Ouais, certes. Alors, dis-nous un peu, tu avais commencé un petit peu en parlant de Punk Fiction, qu'est-ce qui se passe, de quoi s'agit-il? Non, c'est juste le boulot, j'ai plus le temps de m'en occuper, c'est vrai que gérer un fanzine comme ça, ça demande quand même pas mal de temps. Ouais. Donc là, c'est un peu chaud, avec, entre les déplacements à Lille, le boulot sur Paris et tout ça. Voilà. Du coup, je m'en occupe plus trop, mais il y a quand même une grosse équipe qui gère derrière, comme ils peuvent aussi. Ça avait repris il n'y a pas longtemps, enfin par des posts Facebook plus que ouais, sur le site internet. Ouais, c'est ça. Mais... ça continue plus, ça, hein. Non, pas trop. Il y a Yves qui fait des trucs de temps en temps quand il a le temps, quand il est encore là, mais sinon... Malheureusement. Même les webzines punk se meurent. Ouais, où allons-nous? Bah, je sais pas. Bon, il y a de la relève quand même. Il y a des... Ah ouais, t'es plus sur Paris que sur Lille quand même. Ouais, Il y a des choses intéressantes actuellement qui apparaissent autour de Paris. Ouais, il y a pas mal de petits jeunes, des zines aussi, pas mal aussi. Non, ça rebouge un peu depuis le Covid. Des noms. Oh. Je sais pas, moi je suis pas in, moi. Oh, t'es pas in. Non, je suis un vieux, moi. Ça y est. Oh putain. Bah, c'est les vieux qui lisaient les zines, non? Ouais. Ouais, bon, tout le monde, non? Bon. Je sais pas. Mais non, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'après le Covid. T'es plus à l'aise derrière un verre à la Mecca que derrière un micro à Radio Campus. Hein. Ah bah ça, c'est clair. Bah ramène les verres, on verra après. Et pourtant, toi, tu passes des fois dans une émission vers Paris, là, qui s'appelle Constroy, dont au départ, je pensais que tu faisais partie. En fait. Non, pas du tout. Bah, c'est les copains. C'est, ouais, et donc, des fois, tu vas faire ta promotion. Là, ouais, c'est ça, avec Sick My Duck, plutôt, là, pour le coup. Ouais. Ah bah voilà, parlons-en un peu, Sick My Duck. Ou alors, t'as un truc à passer maintenant, c'est comme tu veux. Oh bon, vas-y, balance du son. Ouais, mais alors tu me dis quoi? T'as pas ta liste. Matt Cadiz. Balance Matt Cadiz alors. C'est le prochain concert Sick My Duck le 31 octobre. Matt Cadiz. Putain, pourquoi c'est marqué comme artiste Fat Records? Où ça? Il passe au Glazart avec Sleep et je sais plus qui. Ok, le Glazart qui se trouve à Paris. Porte de la Villette. Ok. Paris, Porte de la Villette. Il va falloir lui tirer toutes les informations une par une. Matt Cadiz titré comme artiste Fudge Records, je sais pas pourquoi. Ouais. Allez, on y va. Road Rash. C'est fini. Ah ouais, c'est pas ta spécialité, ça, Stéphane. Hein, quoi ? C'est pas ta spécialité, ça. Non, pas vraiment. Enfin, moi aussi, il y a longtemps, j'en ai écouté, mais c'est... Ouais, c'est déjà très longtemps. Peut-être, non ? Plus, ouais, exactement. Bah ouais, voilà. Il bon, y en a un qui fait du bruit, là, c'est le numéro 8, je l'arrête, et voilà, il y a beaucoup moins de masse. Je peux la remplacer. Hein. Très bien. Pose tes questions, là, il y a le patron qui est là. El patron. Quelle question ? Je suis venu pour voir mes copains, moi, c'est tout. Bon, mais là, si t'es venu, à mon avis, j'imagine que c'est parce que tu sors des nouveaux disques incessamment ou qui viennent de sortir. Qui viennent de sortir, et il y en a un aussi qui va sortir incessamment. Voilà. Peux-tu nous éclairer un peu sur quels artistes tu sors Alors, déjà, il y a la un disque qui s'appelle Don't Trust the Hype. Tout à fait, c'est bien ça. Tout à fait. On fait la promo. Hein. Alors, un disque qui est sorti cet été. Voilà. Donc, mais il n'y a pas eu encore beaucoup, beaucoup de promo dessus. C'est Vice Prez. On l'a fait, nous. Hein. Eh oh, ça va. Mais je sais. Je sais. Mais du coup, je le refais. Ils viennent de où Ils viennent de Lyon, d'Italie, de Clermont-Ferrand et d'Allemagne. En fait, c'est un line-up. Ils sont 6 ou 7 dans le groupe. Ils sont dispatchés un peu partout. C'est des anciens membres de Sport, de Smart Jazz aussi. Il y a aussi un membre de Young Arts, en fait, il me semble, dedans. Donc, il y a un mot post, forcément, dans... Non, c'est très garage. Enfin, c'est punk rock 80-90, garage, un petit côté garage, un petit côté punk hardcore aussi. Enfin, ouais, c'est beaucoup de chants féminins. C'est surtout Pam qui chante sur cet album. C'est leur deuxième album. Le premier était enregistré pendant le premier confinement. Ils sont enfermés pendant 15 jours et ils en sont sortis avec un disque. Ils n'ont pas du tout tourné sur le premier album. Ils ont commencé les concerts cet été. J'ai jamais vu ce nom tourner. Ouais. La première tournée, c'était cet été. Ils ont fait quelques festoches, dont le Fluff, en fait. Ouais, carrément. On commence. Bah, ils ont déjà le carnet de contact, quoi. C'est reparti sur la base de Sport, les Smart Jazz, qui avaient déjà beaucoup tourné. Quoi. Et tu disais Pam qui chantait dans quoi avant, alors ? The Smart Jazz, groupe italien. D'accord. Voilà. De Milan. D'ailleurs, Vice Prez part pour sa deuxième tournée là, dans fin du mois là, ou dans quelques jours là, ils partent en Italie pour 6 dates. Ok. Et je les ferai venir dans le Nord dès que possible. Et un morceau que tu veux mettre en avant ? Oui, j'ai mis un petit morceau sur la clé. Il me semble que c'était 10. SAD. Ouais. C'est ça. Voilà. ce morceau-là. À pas confondre avec SMD. Ah non, c'est pas pareil. Voilà. Ah ouais. Sick My Duck. Tout à fait. Ouh, non, ça, c'est, faut le dire après, voilà, ça. Oh, la transition que t'as ratée. Et petite. Attends, vas-y. Petite précision sur la pochette. C'est encore une fois la même personne qui a fait la pochette, c'est Marco Imov. Oui, que tout le monde connaît bien et qui a fait notamment des clips pour Municipal West, Vitaminix ou Reproach et pas mal de pochettes aussi. Quand il dessine, il fait plein de petits détails rigolos et tout ça. Voilà. Donc il y a pas mal de, petits, de petites choses. Voilà, tu peux mettre le son. Vice Pres. Okay, dans les bouchons là. Pas mal. Ouais, bien. Ah ouais. Et je passais. Vice Pres qui sort donc sur Don't Trust the Hype et si je ne m'abuse, une flopée d'autres labels. Ouais, après il y a pas mal de labels avec qui j'ai déjà fait des coprod. Il y a Inhumano, Adagio, Dispire qui sont de la France, La Tête d'Ampoule avec qui sortait donc Les Sports, Bigou Records. Chauve Records et un dernier, je n'arrive pas à lire. C'est un label grind alors. Voilà, ouais, grosse coprod. Ouais, non, c'est normal maintenant de voir 10, 12, 15 labels qui se partagent. Il y en a pas mal aussi. Et puis c'est, tous quoi, c'est des groupes qui aiment bien aussi partager des coprods, qui ont des copains un peu partout quoi. Et puis ça permet aussi d'amortir les. Et puis de surtout diffuser la musique géographiquement à plein d'endroits différents, parce que chaque label fait aussi des échanges avec d'autres distros. Et... Donc voilà, ça diffuse. C'est quand même bien réparti. Hein. Ouais. T'as combien de thèmes de référence? Parce qu'il me semble que t'as dépassé les 100 là. Non, pas encore. La dernière en date, je crois que c'est 81 en fait. Ah. C'est, ça va. Ça approche. Ouais. Vice Pres, je crois que c'est la 78 ou quelque chose comme ça. Ils sortent pas forcément dans l'ordre en fait. C'est dans au moment où on cale la prod avec les groupes, après des fois il y a du retard. Et ça sort un peu dans le désordre. Ok. Non, voilà. Ça va, du moment que ça finit par sortir, c'est bien. Voilà, tout à fait. Voilà. Hein. Donc Vice Pres, en plus on peut en trouver sur l'île, je crois que j'en ai vu au distro, non? Il me semble. Ouais. Donc voilà, faut le dire. Ceux qui veulent ceux qui veulent, peuvent se déplacer, voilà, ils vont au distro. Et puis en plus, ils boivent une bière. Bon. Alors Pierre. Ouais. Sick My Duck. Oh ouais, Sick on My y Duck, était quoi. Là. SMD, SMD. C'est Donc là, tu fais quoi le prochainement? T'as dit Mad Cadiz. Donc là, c'est Mad Cadiz. Ouais. Ouais, il y aura quoi avec? Je vais pas regarder du coup. c'est Mad Cadiz, Sleep et Ozone. Si, c'est Ozone. Ah bon. Groupe de ska qui revient, qui vient de Metz. D'accord. Voilà. Et vous faites que du ska alors? Non, on fait tout. Non, on fait tout. Enfin, un peu tout. En ce moment, on se spécialise un peu sur le ska parce que personne n'en fait sur Paris à part nous. Donc, on en profite. Comment ça marche les concerts sur Paris? Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément plus forcément plus de concerts que ici dans le coin. Aussi quand même. Autour de l'île, si, ouais. Je sais pas. Ah, si, si, quand même. Ouais. Après, c'est par vague, c'est par tournée. Ouais. Mais tous les groupes qui passent par l'île finissent par passer par Paris en général sur la tournée. Ouais. Ça, ouais, sur les ça tournées, fait bien ouais. sur les affiches, ça fait bien tout ça. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on récupère un peu tous ces groupes-là, les groupes étrangers qui partent en tournée américaine. Depuis l'Amérique, ils arrivent généralement à Paris. Paris ou Londres, mais du coup, c'est un peu un passage. C'est pas un peu contraignant d'avoir justement tant de demandes? Ça dépend des groupes. Quand les groupes sont bien, c'est cool. T'es en train de dire que t'as pas de mal à choisir, quoi. Ouais, c'est ça. On sait que ça finit par arriver sur Paris, et puis bah, il suffit d'être là à ce moment-là, quoi. Mais tu vois, ça peut arriver qu'il y ait 4, 5, 6 groupes qui te demandent des dates sur le même mois. Ouais. Ouais, ouais, mais ça avant. Ils sont tous géniaux. C'est ça. Avant, on y allait comme des bourrins. Donc ouais, ça nous arrivait de faire 4, 5 concerts par mois. Et puis, parce que vous prenez quand même pas mal de risques, vous faites des groupes quand même assez reconnus. Ça dépend. On fait pas mal de groupes étrangers, donc c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, qu'ils ont pas mal de frais et tout ça. Mais non, pas forcément. Puis on a quand même. On a commencé, c'était à la miroiterie. Là, on va fêter les 15 ans de l'assaut. Donc c'est sûr que la scène, elle a pas mal évolué, pas mal changé. Entre les débuts à la miroiterie ou à la maintenant, les concerts au Petit Bain. Après, il y a eu le Gibus qui a fermé, le Petit Bain, pour le festival d'été, le Paris Punk Rock Summer. Parce que c'est pas des petites salles, ça, quand même, quoi. Ouais, c'est 600 places. Ouais, ah. On n'a pas ça. Enfin, si, on en a une, c'est le Black Lab, mais il faut voir les conditions, quoi. 666. Ouais, exactement. On est bien renseigné. Hein. Ça se retient. Et voilà, après, on continue à faire des petits concerts dans les bars aussi. Un petit truc, une petite salle, le club, Cirque électrique. Ouais, international, pas trop, mais Cirque électrique, beaucoup. Bon, c'est pas si petit que ça, le Cirque électrique, quand même. C'est 200 places, à peu près. Ouais. Mais bon, on les fait rarement. Généralement, on fait une centaine de places là-bas. Ok. Ouais. Ah, je pensais qu'il y avait plus de monde qui se déplaçait quand même. C'est quand même une grande ville, Paris. Enfin, je veux dire, c'est ouais, quasiment mais il y a plein, il y a tout le temps des choses, il y a tout le temps des concerts, il y a tout le temps de la concurrence. Ah, tu fais un concert de ska à Lille, il y a 3 personnes. Ouais. Bon, à Paris, on en a 5 peut-être. C'est pas fou. Le ska, on doit en avoir 5. Risqué alors pour Mad Cadiz. Ouais, ouais, ouais. Non, ça va, ça part bien. Quoi. Ça va, c'est cool. Il y a des jeunes. Enfin. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un renouvellement du public? Parce qu'ici, en fait, ce qu'on constate, par exemple, au CCL, on arrive, tac, t'as les trois quarts de la salle, c'est des jeunes, ce que t'as jamais vu nulle part ailleurs, enfin si, à peine quoi. Il y a une nouvelle scène, mais c'est plus une nouvelle scène, ils viennent pas trop à nos concerts. Ouais. Ils ont des petits jeunes, effectivement, qui doivent avoir 18, 20 ans, qui n'ont jamais trop fait de concert avant parce qu'il y avait le Covid. Ouais. Et du coup, ils se motivent eux-mêmes, ils se créent des groupes, ils se créent des orgas, c'est assez étrange. King Kong Meuf en ce moment qui cartonne, mais je vois peut-être ça avec mon regard de plus ancien, mais je trouve pas ça si fou que ça, et pourtant ça ramène plein de monde, et plein de jeunes, et des meufs, et des mecs, et c'est cool. Ouais. Donc mais, c'est pas tout à fait la même scène quand même. Ouais, c'est ça, ils boycottent un peu les anciens, ou je sais pas, mais en tout cas c'est cool qu'il y ait un renouvellement, et ça fait plaisir. Ah d'accord, bah c'est bien, ouais. Ouais. Cool. T'as un truc à passer là, je pense. Tu m'as demandé de passer Baboon Show, ouais. Qui joue en concert ce soir au Bataclan avec Exploited, Baboon Show, Lion Slow et Great Two. Ah oui, il y a même Exploited à Paris. Ouais, ouais, ouais, vous n'avez pas échappé à ça. Ouais, bah on aurait bien aimé, mais je crois que tout le monde le regrette parce que du coup, Great Two commence à 18h30. Papy, c'est Papy qui termine. Donc, S'il termine. S'il termine, ouais. Je ne sais pas. Et alors donc, Baboon Show, il paraît que c'est vachement bien. J'ai jamais entendu, moi. Ouais, moi j'adore. Totalement, ouais. Ah ouais, j'adore. C'est un groupe de Suède. Avec une nana au chant qui envoie vraiment assez impressionnant en live et tout ça. C'est cool. Bon, bah alors tu nous passes... Classe War. Cowboys could be seen in the hole. Whoa, I wasn't playing baseball. Ça va, Célia? Attends, attends, je suis pas prête. Ouais. Parle dans le micro, ça ira mieux, parce que là, en plus, H-bouton est coincé, là. Je suis sur le 3. Hein, ah oui, t'es sur le 3, d'accord. Mais c'est oui, pour le ça. 2, il est là. Ouais. Ok, j'avais pas vu. Non, mais on fait des mûches en plus. Mais je vois pas, il est caché le micro. Bon, bref, vraiment, les gens, ils sauront tout. Vous écoutez Pyongyang City Rockers. Putain, il est déjà 20h27 sur Campus 106,6. Et on est ensemble jusqu'à 21h. C'est le numéro 311 de cette magnifique émission que le monde entier nous invite. Et voici Célia qui va nous présenter encore un groupe avec des meufs. Bah ouais. Je me suis baladée sur Bandcamp aujourd'hui pour chercher des groupes et je suis tombée sur Menstrual Tramps. Ah bon? Ouais, c'est un groupe de 3 meufs de punk hardcore qui vient du Minneapolis. D'accord. Grosse scène punk hardcore là-bas. Ouais. Ouais. Et il a été formé en 1998, donc le groupe date un peu quand même. Ah ouais. Du coup, le morceau que j'ai choisi, il est sur un CD qui s'appelle No Hesitation, No Defeat, qui est autoproduit par le groupe et qui est sorti en 2007. Et elles ont aussi un morceau qui est sur la compile Girl Disorder Volume 2 de Mass Prod. D'accord, c'est pour ça que j'avais déjà vu ce nom. Okay. Bah, j'ai vu, j'ai cherché un peu des infos, j'ai vu ça, j'ai fait ah. Oui, ok. Et donc le morceau s'appelle Americanized Suicide. Bah ouais, c'est ça. Peut-être reprendre l'antenne pour donner un petit message de Toff qui habite maintenant la Réunion, mais avant c'était un Guillois, hein. D'ailleurs il faisait des émissions à une époque sur campus, enfin il participait à des émissions. Petit message donc de Toff, arrivé pas plus tard que ce matin, je ne donne pas forcément souvent signe de vie, mais là c'est l'occasion, et même si c'est un peu impersonnel pour le coup, si tu reçois ce mail, c'est que je pense encore à toi, au moins de temps en temps. 7 ans après le dernier Macache, on y vient, et un changement d'hémisphère, voilà le premier vrai enregistrement de Fait Noir, mon groupe de musique, pas franchement pays, ça veut dire pas franchement du coin, c'est-à-dire du coin de la Réunion. Fait Noir vient de sortir un album qui est disponible sur leur Bandcamp. Fait Noir s'écrit F-E-N-W-A-T-R-E-M-A-R. F-E-N-W-A-T-R-E-M-A-R. Et puis, j'ai sélectionné dans cet album le titre Dans la bouche d'une fille. Ça parle des nanas qui savent plus vraiment quoi faire face au machisme triomphant dans les rues et partout ailleurs. Tu es fatigué de ces gars qui te sifflent et parce que tu les rembarres se mettent à te cracher dessus. Tu es fatigué de devoir répéter que non, c'est non. Tu es fatigué de devoir t'enfuir en espérant être plus rapide. Tu es fatigué de ne pas savoir te battre et tu es fatigué de le regretter. Il suffit d'apprendre. C'est vrai que c'est pas forcément très bien non plus d'en ressortir à la violence, mais des fois. Hein. Voici Fée Noire avec Dans la bouche d'une fille. C'était Fée Noire dans la bouche d'une fille, mon cher Gaël. Comment allez-vous ? Toujours bien. Vous écoutez Pure Gangster Rockers, c'est le numéro 311 et vous êtes bien sur Campus 106,6. Alors, on rempile sur les sorties d'Entre the Hype. D'accord. Allez. Non, tu voulais. Si. Bien sûr. Si. Non, bah, je te vois de côté. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la semaine prochaine. Tu spoil. Du coup, un disque où la release party aura lieu au CCL le 18 novembre. Trop bien. Avec une prog assez cool. Et aussi, dont un tout nouveau. Il y aura de la New Wave, la Cold Wave. Et un tout nouveau groupe Saint-Punk de Lille. Avec des membres qui d'habitude font une toute autre musique. Voilà. Mais je n'en dis pas plus, ça va être annoncé, pas encore annoncé. Tu gardes les secrets, là, ouais, d'accord. Bah ouais, je peux pas tout à fait. Un groupe de polka. Mais pas entièrement. Voilà. C'est avec des membres du groupe dont tu as tapé dessus, là ? Ouais, voilà. D'accord. Dont tu as tapé dessus. Voilà. Il a tapé sur un disque. Sur un disque. Ah oui, d'accord, ok. Ça. Moi, je connais les. Après, voilà, il y a aussi un autre groupe qui est Vincent. Il y aura aussi Utopie, Carigos, qui est une. Je crois que c'est une meuf qui vient de Bretagne, il me semble, qui fait de la new wave electropunk. Voilà. Ok. Ça avec de la trompette. Tu rappelles de la trompette ? Il n'y a pas de trompette, non. Non, mais la trompette, je t'ai dit, on en a passé il y a 3 semaines. Enfin, j'en ai passé à 3. Ils étaient complètement interloqués. Ah. C'est une explosion des quotas. Comment ? C'est une orga anticorps ? Non, c'est. Ouais, enfin, c'est Don't Trust Anticorps et les Chiaroscuro qu'on fait ça. Ça continue ensemble. Encore anticorps ? Ouais, oui. Mais oui, en fait, dès que je fais un concert, c'est anticorps, en fait. Okay. Mais, enfin, anticorps, il n'y a personne, en fait, dans anticorps. C'est moi et les amis qui est autour. Pas le dire. Tout simplement. On est écouté là. Et du coup, voilà, je vous parlais donc. Michel. Je vous parlais donc de Chiaroscuro, qui va sortir le nouvel EP, un 12 pouces. Yes. C'est un one side qui s'appelle La Fange. Il y a 5 titres dessus. Ouais. C'était déjà sorti en cassette, tout ça. Ouais, c'était sorti en cassette et ouais, en digital pour leur tournée juste avant l'été, pour qu'ils aient aussi un support. Ils avaient envie de sortir leur nouveau morceau, c'est normal. Hein. Donc ils ont sorti ça pour la tournée avec Utopie. Sur Dirty Slap, qui est le label du bassiste, tout à fait. Cyril, qu'on salue. Salut, bisous. Quel morceau on va écouter ? Moi j'adore La Fange, le morceau éponyme de l'EP. Un tube ? Ouais, pour moi c'est un petit tube, je trouve. Et un tube pour nous aussi. Ce groupe est un tube. Ouais, c'est clair. Voilà. Et il y a pas mal de concerts, ils jouent à Paris d'ailleurs bientôt. Tu pourras aller les voir. À l'international ? Super. Ouais, à l'inter. Avec Youssef Boiler ? Non. Oh, Stall Mine ? Non plus. Oh, incroyable. Je sens un peu une ironie là. Ouais. Non. Tu rappelles la date de la sortie, la release party ? Ouais. Ça sera le 18 novembre au CCL. Bravo. À Lille. Youpi. Chiaroscuro, La Fange. Allez, oh, putain, franchement, ce titre de Chiaroscuro. Ah oui. Voilà. Ah, ouais. Voilà, et tout va. Ouais, très bon. Youpi. Alors, Sick My Doc, là maintenant, donc vous faites plus 4-5 concerts par mois, vous en êtes à combien par mois ? Il y a le Paris Punk Rock Summer où on bosse dessus, donc ça c'est le gros festival qu'on organise. Donc voilà, et puis bon, après c'est un peu comme ça vient, mais ouais, je crois que là on n'a rien de. Donc on a le 31 octobre, après on n'a rien de prévu. Ça a l'air de pas mal s'activer pour mars-avril. Là on a des demandes un peu dans tous les sens. Mais s'il y a des groupes lillois qui veulent passer là-bas, c'est le moment quoi. Ce soir. On essaie de se raccrocher à des tours internationales. Faites pas un trop gros truc le 30 mars. Hein. 30 mars, ok. Je fais un truc en Belgique. D'accord. Bon. Tu fais une date en Belgique et après tu la fais à Paris. Ah bah, je compte bien la faire à Paris, ça c'est voilà. Sûr. Streetwise à Rennes. On va s'entendre. Joli. Ça passe à Paris. Joli. Moi, c'est voici. Oui. Normal. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans ces longues années d'organisation de concerts? Parce qu'on parlait d'expérience et tout ça. C'est... Bah ouais, ça commence à faire. Ouais, ça fait 15 ans l'année prochaine là, qu'on organise. On est à plus de 300 concerts, je crois, à peu près. C'est vrai qu'on a commencé à la miroiterie dans les squats et puis on a fini. On a fini, non, on n'a pas fini. Mais on organisait pas mal au Gibus, au Petit Bain, donc voilà, qui commence à être des grosses salles de 600 places. Quoi. Et ouais, bon, on a pris plein de trucs. Quoi. D'accord. Voilà. Tu joues pas dans un groupe, toi? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Je sais même pas jouer d'un instrument, je sais pas lire les notes. Tu parles de trompette Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ouais, on fait poète-poète. Ouais. Il fait des artworks. Ah. Ouais, c'est ça. Je fais du dessin. Je demande aux gens qui veulent voir ta patte quand même graphique de se reporter sur notre site web pionnierstalkers.wordpress.com ou alors sur le FB où on voit ton œuvre. Enfin, moi j'aime beaucoup parce que c'est explicite, c'est compréhensible, c'est simple, c'est clair. Waouh. Ouais, si, je te jure. Je vais même rebondir. T'étais là au CCL, il me semble, samedi soir. Absolument. Est-ce que t'as regardé la table de merch, et notamment le merch de Traquenard? Ils ont une version CD de leur EP. C'est la version Schlag édition. Et c'est le même style, en fait. Ah, c'est bon, c'est fait sur Paint, c'est du bâton et tout. Moi, Traquenard, franchement, enfin, ouais, il y a un ou deux titres qui me plaisent, mais le reste. Non, mais là, on parle de l'artwork. Ouais, puis je parle de l'artwork. Non, mais du coup, j'ai pas regardé. Non, mais du coup, j'ai pas regardé, quoi. Parle-moi d'un disque d'Iron Maiden, quoi, aussi, c'est pareil, quoi. C'est pas sur Paint, je crois pas le chercher. C'est pas sur Paint. Tu pourrais essayer d'ailleurs de refaire des artworks super connus. Ouais, ça existe déjà. Il y a un mec qui fait ça déjà, qui reprend toutes les pochettes de métal de façon moche sur Paint. Ouais, c'est ça. Avec ton style. Ouais, j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est-à-dire ton style un peu nul. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. C'est parce que t'as pas vu la première version du flyer, mais on reconnaît vachement qui est Mika et qui est Pierre, même en bâton. C'est parce qu'un peu on l'a engueulé, alors il a dû un petit peu arrondir les angles. Il y en a encore des angles. C'est... Voilà. Donc c'est toi qui fais les affiches, les graphismes, t'es le concepteur, quoi. Les affiches, ça peut m'arriver d'en faire, mais ça dépend des groupes. Tanguy ne fait plus jamais ça, surtout ne plus jamais ça, Tanguy, si tu m'écoutes. Ça dépend des groupes. Musique. On va passer sur Random End. Oui. Qui est un groupe de ska punk anglais. Encore, mais je me barre. Toujours. On va exploser les quotas de trompette. T'as saboté la promo d'autres hype du semestre. Non, mais il y a du trombone aussi ou pas? Ouais. Bon, y a du trombone. Ok. Je me suis battu avec le tromboniste à la chimère. Alors que je les ai organisés. Oh, joli. Ouais. Bien joué. Ça va être la grande époque. Ouais. Sauf que j'étais là. Ah oui, la chimère, ça remonte quand même. Hein. Oui, je crois que c'est forcément. Oui, je suis là. Sûr. Voilà, bah, bis à lui. Random End, c'est. Bah, justement, c'est Anger Management, c'est ça qu'on a appris. Management. So, les 5 management. Les 5 management. Les 5 management. Faut toujours demander un schnapps. T'es en train de me dire que je suis pas dans la bonne radio. Je suis pas dans la bonne radio. Bisous, exactement. Je me suis planté de radio. Non, mais tu sais que maintenant il y a aussi une bonne émission le lundi soir à 23h sur RCV. C'est, ah oui, c'est vrai. J'ai cru comprendre que tu. Ouais, c'est ça. Bah, je trahis. Tu trahis. Voilà, je trahis les deux, on sait pas. Agent double. Youpi. Bon, il reste 13 minutes. Non, ah, tu rigoles, il reste 10 minutes. Voilà. Ok. Allez. Boum. Tu préfères passer Pédigré ou Jetsam? Pédigré. Bah, alors, ouais, c'est vrai que Jetsam, le speed Jetsam Gumo, il vient de sortir, mais en même temps, vous en avez passé deux, un morceau de chaque groupe la semaine dernière. C'est moi qui ai passé ça, ouais. Merci Célia. Et Pédigré, c'est une petite exclue que je vous passe. Ouais, c'est un morceau que personne n'a encore entendu. Exclue. Voilà. La clique de tournée dont on parlait tout à l'heure. Ouais, Pédigré qui sort un deuxième disque du coup sur le label. C'est leur troisième EP. Il y a eu une démo aussi avant ça. Et c'est le deuxième disque sur le label. Et ça sort le 25 octobre. Youpi. Et tout bientôt. Le titre, c'est... Le titre, je ne sais même plus ce que je t'ai envoyé. S.A.D. C'est ça, S.A.D. Search and Destroy. Voilà. Seconde de fade down. Fade out. Down. Out. Out, tout à fait. Ah non, mais c'est les deux. Ah, d'accord. En plus, c'est toi qui m'as appris à dire down parce qu'avant je disais out et tu m'as dit non, non, down. Et attends, jamais dit. Putain, je vais te sortir les archives. Bah, je veux bien. Allez, je lance le défi. Il va s'écouter 330. Il va s'écouter 300 épisodes. Et moi, je lance un appel. Et Pédigré, venez parler de votre album à la radio. Ce serait cool. Ça nous ferait plaisir. Il faudra qu'on les chope et puis qu'on leur demande en direct. Carrément. Pour l'instant, demain soir, au bout de nos rêves, il n'y aura pas Jody Faster. Par contre, il y aura pour les remplacer Gutter et ils accompagneront Hey Hazy. Et Heisy, tout à fait. Ouais, de un groupe croate qui joue avec des cagoules ou pas? Non, ils jouent, non, ils jouent pas c'est cagoules. Juste pour la pose sur la photo, quoi. Bah, ah, je pense qu'ils se sont vite rendus compte que la cagoule, c'était quand même pas... Ça faisait Moscou Death Brigade. Pas pratique. Ouais. En plus. Bah, ça dépend de la couleur, en fait. Ou Jneb. Ça dépend de la couleur. C'est lequel le pire, en fait? Dur à dire. Non, le pire, c'est Moscou, hein, quand même. Et voici donc leur titre phare, enfin, moi, je trouve, hein, sur leur album, là, qui se dit Dick Skinner, ce qui peut signifier aussi bien écorcheur de bites que peleur de joncs, ça dépend si on a froid ou pas. Et donc, oui, non, mais je suis désolé. Et donc, vous pourrez les voir demain soir au bout de nos rêves. Le concert, c'est à 20h30, et puis avant, faut arriver à 19h pour consommer. Et puis, parce que comme ça, bah, Schmeck, il continue à ouvrir. Hein? C'est vrai. Hein, ouais, c'est ça. Et puis il y aura Götter. Bon, voilà. Et Shrek avec ma distro aussi, logiquement. Ah, si vous voulez acheter les disques. Et peut-être on y sera tous, en fait, je sais pas. Il y a des chances. On verra. On y serait. En avant. Allez. Ach ja, Dick Skinner. Eh ben d'accord, voilà, c'est demain soir au bout de nos rêves. Youpi, à Gourin, à Meucroix. À tourner, quoi. Ouais. Ouais, non, mais attends, parce qu'il y a plusieurs grandes routes, hein. On s'est fait avoir la première fois qu'on y était. Ah. On était sur une autre grande route de tournée, dans un autre bled qui dépend de tournée. Donc il faut bien dire Gourin, à Meucroix, sinon on se perd. Ouais, si. Ouais, ouais. T'es avec François Yeux Bleu. Exactement. Mais le GPS, au bout de nos rêves, il trouve un, maintenant. C'est bien quand même. Ouais. Enfin, Google Maps. Hein. Bon, il nous reste ça, même pas 4 minutes là, les gars. Là, je sens Pierre, tu es chaud. Ah, oh, bah, il y a des morceaux de 6 minutes lui aussi. Bah, ouais, 4 minutes, qu'est-ce que tu veux faire Bon. Tant que le fivre il chauffe, c'est comme ça. Bah, on va passer un Goumo. Ou un Jetsam. Ou un Jetson. Allez, Jetson. Jetsam. Bon, Jetsam. Jetson. Et moi, j'ai. Attends, Jetsam, j'avais down, pensé à passer out. Le morceau. Allez, Jetson, c'était un groupe de rockabilly polonais. Anéantir le néant, il me semble. Ah bon? Oui. Non. Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il te plaît pas ce morceau? Ça, Anéantir le néant. Oh non, mais il était caché parce que le titre il est long comme ça, puis donc il disparaît derrière, oui, ce qu'il y a après. D'accord. Ouais. Si, je te jure. Je te montre. Donc, Jetsam, bon, je sais que vous avez présenté le groupe la semaine dernière. Voilà. C'est lui qui a fait ça. Mais... Groupe canadien, queer hardcore, power violence, qui tire un peu sur le black metal et le crust, quand même, que je trouve. Moi, je... Et la trompette? Bah non. Ah non. T'as écouté ce que j'ai dit ou pas? T'as écouté ce que j'ai dit? Ah, pour moi, on danse avec trompette. Stage trompette de tout à l'heure. Drive! quand les ch'timis y sortent de l'grimmes. Quand les ch'timis y sortent de l'grimmes. Savez-vous ben, ami, pour qu'au qui se preste. Savez-vous ben, ami, pour qu'au qui se preste. Pour voir ennemi. J'ai un jas de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui louera la vie. J'ai la tu vois, Pierre, le dépaysement total à Radio Campus. J'ai un bonne qui louera la vie. Oh, c'est beau. Vous êtes beau. Je vais revenir la semaine prochaine. Avec plaisir. Allez, bon, on va baisser un petit peu. C'est les Capénoules, bien sûr, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Hein. Vous connaissez. Sans les Capénoules, il n'y aurait pas cette scène lilloise actuelle. Exactement. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il nous reste 40 secondes pour dire au revoir. Pierre, Mika, vous revenez quand vous voulez. Le plus tôt possible. Je crois que Mika reviendra la prochaine fois quand Pierre ne sera pas là. De préférence, ne m'invitez plus avec quelqu'un qui aime les trompettes. Et pas lui, il est plus rigolo. Et en attendant, on n'oublie pas. À cab. Bon rétablissement, Ripoll. Quand un ch'timi y ravit sa pucelle. Quand un ch'timi y ravit sa pucelle. Savez-vous ben ce qu'il y dit à Snorel. Savez-vous ben ce qu'il y dit à Snorel. La boîte de nuit. J'ai un jas de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui nous rend la vie. J'ai la bonne bière qui nous met tous à train. J'ai ta bonne nuit. J'ai ta bonne nuit qui nous rend. Chavo, Amio Rogin, j'ai ta bonne nuit qui nous met tous à train. Quand un ch'timi, ça fait mouquer slouloute. Quand un ch'timi, ça fait mouquer slouloute. Savez-vous ben qu'il ne braille même pas une goutte. Savez-vous ben qu'il ne braille même pas une goutte. Il boit de nuit. J'ai ta jade de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui nous rend la vie. J'ai la bonne bière qui nous met tous à train. J'ai ta bonne nuit. J'ai ta bonne nuit qui nous rend la vie. Chabot, Amiens, Rogin. J'ai ta bonne nuit qui nous met tous à train. Quand les ch'timis y vont à l'pichotière. Quand les ch'timis y vont à l'pichotière. Savez-vous ben pourquoi qu'ils sont si fiers. Savez-vous ben pourquoi qu'ils sont si fiers. J'ai ta jade de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui nous rend la vie. J'ai la bonne bière qui nous met tous à train. J'ai ta bonne nuit. J'ai ta bonne nuit qui nous rend la vie. Chabot, Amiens, Rogin. J'ai ta bonne nuit qui nous met tous à train. Quand les ch'timis y cantent des canchons. Quand les ch'timis y cantent des canchons. Savez-vous ben qui chuche pour être cochon. Oui, oui. Savez-vous ben qui chuche pour être cochon. Ils boivent de nuit. J'ai ta jade de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui nous rend la vie. J'ai la bonne bière qui nous met tous à train. J'ai ta bonne mie. J'ai ta bonne mie qui nous rend la vie. Chabot, Amiens, Rogin. J'ai ta bonne mie. Quand un ch'timi y est à l'agonie. Quand un ch'timi y est à l'agonie. Savez-vous ben ce qu'il ira à la vie. Savez-vous ben ce qu'il ira à la vie. Il boit de nuit. J'ai un jas de bière, chérie. J'ai la bonne bière qui nous a la vie. J'ai la bonne bière qui nous met tous à train. J'ai ta bonne mie. J'ai ta bonne mie.